Nostalgie 60. Disponible 7 jours sur 7. 24h sur 24. Nostalgie. Of your time to spare one thought for me? Would you miss just 1 minute of your time? When you are far away, I'd like to be part of your time each day. So think of me a minute of your time. As close when we are far apart. Oh, and if I'm on your mind, I know that there's a chance you'll find I'm right there in your heart. 1 minute every day may help to keep the wolf away until that moment you are back. Stay, but better still, I'd like to think you think of me every minute of your time. 1 minute of your time is all it takes to bring us close when we are far apart. Oh, and if I'm on your mind, I know that there's chance you find I'm right there in your heart. Ooh, 1 minute every day may help to keep the wolf away until that moment you are back to stay. But better still, I'd like to think you think of me every minute of your Nostalgie. Nostalgie 60. Vous êtes au cœur des années 60. Nostalgie. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenue, moi je tremblais, je comprenais que tu es sortie d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche.

Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Nostalgie. Nostalgie. Il est 22h.

Le meilleur des 60s, 24h sur 24. Nostalgie 60. Nostalgie. Just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. A 14's mad about me. I'm just mad about a 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite frightfully. They call me mellow yellow. Qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alignées, c'est par souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, portent le fruit de leurs efforts. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt, car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon

make true. Satisfy me. So much to do. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. If I only had time, only time. Nostalgie 60. Nostalgie 60. Nostalgie. L'escalier, c'est bloc 21.

attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. La radio de vos années préférées. Hey there, Georgie girl, swinging down the street so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? You're always window shopping, but never stopping to buy. So shed those downy feathers and fly a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change there'd be. Georgie girl.